Today we are going to talk about general activities restraining the senses and the importance of continuity of samadhi. Aujourd'hui, nous allons parler des activités quotidiennes, du contrôle des sens et de l'importance de maintenir la continuité du samadhi. Hier, nous avons parlé de la méditation en marche. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il faut essayer d'emmener son attention avec soi au moment où on passe de la posture assise à la méditation en marche. En fait, l'attention devrait être maintenue pendant toute la journée, depuis le moment où nous nous réveillons le matin jusqu'au moment où nous allons nous endormir le soir. Ceci veut dire que nous devons essayer d'être conscients de ce qui se manifeste de façon prédominante au moment précis où nous nous réveillons le matin. Est-ce une pensée? Est-ce un bruit? Est-ce une sensation particulière dans le corps? Quel que soit l'objet, nous devons l'étiqueter mentalement, l'observer attentivement et réaliser sa nature. L'attention dans les activités quotidiennes veut dire qu'il faudra noter et observer toutes les activités qui ne sont ni la méditation en posture assise, ni la méditation en marche. Donc, le fait de se réveiller le matin, de sortir du lit, tout cela fait partie de la méditation dans les activités quotidiennes. Il y aura également le fait de s'habiller, d'ouvrir ou de fermer les portes, d'ouvrir ou de fermer les yeux, et lorsqu'on se trouvera dans la salle de bain, qu'on se lavera le visage, qu'on fera usage des toilettes, qu'on prendra une douche, tout cela fait partie de la méditation dans les activités quotidiennes. De plus, lorsqu'on prendra son repas, que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner, ou même les jus à 4 heures, il faudra également être attentif. Cela fait également partie des activités quotidiennes et ces choses sont très importantes. Vous devez faire un effort pour être attentif et contrôler vos sens. Comprenez, s'il vous plaît, que la méditation dans les activités quotidiennes est aussi importante que la méditation en posture assise et que la méditation en marche. J'aimerais vous rappeler ici que maintenir l'attention sans interruption pendant toute la journée permet de progresser de façon très naturelle. Nous ne devons pas négliger la méditation dans les activités quotidiennes et penser qu'elle n'est pas importante, qu'il n'est pas nécessaire d'être attentif dans les activités quotidiennes, car ce n'est pas le cas. En ce qui concerne l'attention dans les activités quotidiennes, il y a deux choses qui sont très utiles. Tout d'abord, le fait de ralentir ses mouvements le plus possible. Si nous ralentissons nos mouvements, c'est un monde de toutes nouvelles expériences qui va se manifester. Toutes ces expériences, toutes ces sensations, tous ces objets mentaux doivent être vus. D'habitude, nous nous comportons de façon rapide et ceci a pour conséquence que nous ratons beaucoup de choses. Le fait donc de ralentir l'allure sera très utile. Cela permet également de développer la concentration. Et si la concentration se renforce, la sagesse va se manifester. La deuxième chose qui est très importante lorsqu'on pratique la méditation dans les activités quotidiennes, c'est le contrôle des sens. Vous pratiquez le contrôle des sens lorsque vous pratiquez la méditation en marche. De la même façon, vous devrez pratiquer ce contrôle des sens dans les activités quotidiennes. Essayez donc de contrôler vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre langue, votre corps et votre esprit le plus possible. Le fait de regarder tout autour de soi, d'écouter les différents bruits, est très distrayant pour l'esprit. Un esprit distrait n'est pas un esprit concentré. Et un esprit qui n'est pas concentré ne verra pas apparaître la sagesse. Donc, de façon générale, l'attention dans les activités quotidiennes veut dire qu'il faut essayer d'exécuter tous ces mouvements avec beaucoup d'attention et sans interruption. Nous devons étiqueter chaque activité, nous devons l'observer attentivement et essayer de comprendre la nature des objets qui se manifestent de façon prédominante. Ceci, c'était donc la méditation dans les activités quotidiennes. Les yogis qui pratiquent de façon énergique devraient limiter leur temps de sommeil. 4 à 6 heures par jour de sommeil devraient suffire. Il faudrait également éviter de trop parler. Même si vous êtes un bon parleur, vous devez vous comporter comme si vous étiez muet. Vous devrez également garder les yeux. Même si vous avez une bonne vue, comportez-vous comme si vous étiez aveugle. Vous devrez garder vos oreilles. Même si vous entendez bien, vous devrez vous comporter comme si vous étiez sourd. Même si vous êtes en bonne santé, vous devrez ralentir tous vos mouvements et vous comporter de façon composée comme si vous étiez un faible invalide. En se comportant ainsi, vous pourrez consacrer toute votre attention à la purification de l'esprit. En conséquence, vous allez développer la concentration et la sagesse. Et votre pratique va certainement se développer jour après jour. En résumé, je voudrais insister sur le fait qu'il faut être attentif, non seulement lorsqu'on pratique en posture assise, mais également pendant la marche et dans les activités quotidiennes. Nous devons être attentifs à toutes les activités que nous serons amenés à faire pendant toute la journée, et nous devrons le faire de façon très précise, de moment en moment. Nous devrons étiqueter tous les objets qui se manifestent, les observer attentivement et essayer de comprendre leur véritable nature. Dès qu'un objet va se manifester, nous devons l'observer attentivement. Je vais maintenant vous expliquer comment vous devez gérer les sensations désagréables, les sensations qui se manifestent au cours de la méditation assise. Lorsqu'on pratique la méditation, après 20 ou 30 minutes, il est fort probable que des sensations désagréables se manifestent dans le corps tout entier. Si c'est le cas, les méditants qui débutent dans la pratique et les yogis qui manquent de patience et d'énergie auront tendance à changer de position. Mais s'ils le font, cela va gêner le développement de leur concentration. Il y a 3 façons de gérer la sensation désagréable. La première stratégie consiste à diriger son attention au centre même de la douleur. Vous essayez d'aller au-delà de son apparence extérieure, de voir cette douleur en tant que sensation douloureuse et vous observez sans interruption. Vous essayez d'observer de façon pénétrante, de façon à ne pas réagir. Vous allez essayer de faire cela, mais cela va vous fatiguer. La douleur peut épuiser l'esprit. Si vous n'arrivez plus à maintenir un degré suffisant d'énergie, d'attention et de concentration, il est temps alors de rendre les armes. La deuxième stratégie consiste à jouer avec cette sensation douloureuse. Vous allez passer d'une observation très pénétrante à une observation plus relâchée. Vous maintenez votre attention à l'endroit précis où la douleur se manifeste, et ensuite, vous relâchez un petit peu l'intensité de votre observation et de votre concentration. Cela va vous donner la possibilité de vous reposer un peu. Ensuite, vous recommencez à observer de façon très pénétrante. Et vous allez faire cela deux ou trois fois. Mais si la douleur est encore toujours aussi intense, que vous constatez que votre esprit est tendu malgré ces tactiques, vous pouvez rendre les armes. Mais ceci ne veut pas dire que vous allez changer votre position. Cela veut dire que vous changez uniquement la position de l'esprit, de l'attention. Vous essayez de diriger votre attention vers les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais si, finalement, vous n'arrivez pas à continuer à observer cette sensation, vous pouvez noter l'intention de changer de posture et vous changer progressivement. Mais en général, les yogis oublient qu'en observant ainsi la sensation douloureuse de façon pénétrante, ils développent la compréhension. Et ils ont tendance à se focaliser plutôt sur le fait qu'ils devront endurer ce type de souffrance pendant toute la retraite. Ils deviennent alors effrayés et ont peur de s'asseoir et de méditer. En fait, si on observe attentivement la sensation douloureuse, il est possible qu'on la voie disparaître subitement. Cette sensation extrêmement douloureuse peut subitement disparaître et faire place à un état de calme et de paix. Si vous voyez donc la sensation désagréable disparaître subitement, vous aurez compris la nature impermanente des sensations désagréables. Elles ne durent pas. Elles sont impermanentes. Vous comprenez ainsi l'impermanence. Parfois, vous aimeriez que ces sensations désagréables disparaissent, qu'elles obéissent à votre volonté. Mais ce n'est pas le cas. C'est impossible. Lorsque vous comprenez que vous n'avez aucun contrôle sur ce type de sensation, vous comprenez la nature du non-soi. Si donc vous persévérez dans votre observation pénétrante de la sensation désagréable, que vous le faites de façon respectueuse, vous pouvez développer la compréhension par rapport à la nature insatisfaisante, impermanente et insubstantielle de ces sensations. Autrement dit, vous réalisez le Dhamma, et ceci est très encourageant. Mais si c'est le contraire qui se passe, que vous ne faites pas preuve de patience ni de courage pour noter la sensation désagréable, vous ne pourrez pas développer la concentration. Sans concentration, il est impossible que la sagesse se manifeste. Si par exemple vous ouvrez les yeux après une quinzaine de minutes en posture assise et que vous changez de position, vous ne pourrez pas surmonter la sensation désagréable et en conséquence vous ne ferez pas de progrès. Vous devez donc vous encourager vous-même et vous dire ceci: tant que j'aurai un corps, j'aurai des sensations désagréables, c'est inévitable. Mais je ne suis pas le seul. Tout le monde doit faire face à la douleur. Personne ne peut l'éviter. Donc, quel que soit l'objet qui se manifeste, plaisant ou déplaisant, contemplez-le tout simplement. Essayez de diriger votre attention de façon pénétrante et respectueuse vers l'objet d'observation et contemplez sa nature. Si un objet déplaisant se manifeste, le yogi a en général tendance à le rejeter. Il va alors développer de l'aversion par rapport à cet objet. Lorsqu'ils font face à la douleur, certains yogis deviennent irrités, fâchés, autrement dit, ils développent la colère. Et d'autre part, lorsque ces méditants entrent en contact avec un objet agréable, ils se mettent à l'aimer. Ils s'y complaisent. Autrement dit, ils développent l'avidité. Ceci, c'est le contraire de Vipassana Dhamma. Car si l'on pratique la méditation Vipassana, c'est dans le but d'éradiquer la colère et l'avidité. Donc, le fait de se fâcher ou d'être heureux lorsqu'on expérimente un objet agréable au cours de la méditation, ce n'est pas l'attitude correcte, ce n'est pas la bonne façon de gérer ces expériences. Il faut tout simplement contempler les objets qui se manifestent à chaque instant, qu'ils soient agréables ou désagréables, et s'en tenir compte de ceci. Un autre point important lorsqu'on se trouve confronté à la douleur, c'est d'adopter l'attitude correcte. Parfois, les méditants observent la sensation douloureuse avec dans l'esprit le désir subtil de s'en débarrasser, de la voir disparaître. Ceci veut dire qu'il y a encore une espèce de résistance inconsciente à ce qui est désagréable. Vous devez en fait vous souvenir qu'il faut contempler la sensation douloureuse non pas pour s'en débarrasser, mais pour comprendre sa véritable nature. Essayez d'accepter entièrement cette sensation. Soyez entièrement impliqué. Laissez l'expérience se manifester à son rythme. Essayez de vous montrer curieux et intéressé avec un esprit ouvert, décidé à comprendre et à apprécier pleinement l'expérience. Je voudrais vous rappeler ici quelques points importants lorsqu'on observe la sensation douloureuse. Lorsque vous observez la douleur, vous devez vous relaxer et essayer d'observer tout d'abord sa nature. Est-ce un élancement? Est-ce un pincement? Est-ce piquant? Vous devez ensuite observer cette sensation du point de vue de son intensité. A-t-elle toujours la même intensité? Diminue-t-elle ou augmente-t-elle d'intensité? Vous devez également la localiser avec précision. Est-elle toujours à la même place ou se déplace-t-elle? Et enfin, vous devez l'observer du point de vue de sa durée. En réalité, lorsque les yogis observent la sensation désagréable, ils ne devraient pas la voir comme quelque chose d'indésirable, d'effrayant, mais plutôt comme un ami qui a un trésor à vous offrir. Ce trésor, c'est la sagesse. En plus de cela, lorsqu'il y a une sensation désagréable, l'esprit est très occupé à l'observer. Et il est très peu probable qu'il se mette à penser, à vagabonder. C'est donc une excellente occasion de développer la concentration. C'est pour toutes ces raisons qu'en réalité, la sensation désagréable est un bon ami. Il est donc très important d'adopter l'attitude correcte de façon à récolter tous les bénéfices de ce que, au début, on interprète comme désagréable. Plus tard, lorsque la concentration se sera développée, il est même possible que le méditant commence à aimer observer la sensation désagréable. La patience et la persévérance que vous allez développer par l'observation de la sensation désagréable va vous être très utile dans votre vie de tous les jours. Elle va vous développer votre caractère. De plus, ce corps qui nous appartient va forcément vieillir et finalement mourir. C'est la loi de l'impermanence. C'est pourquoi le Bouddha nous demande d'extraire l'essence de ce corps qui est impermanent et inutile et qui nous appartient de façon très temporaire. Nous devons essayer de développer la compréhension, l'attention et la concentration, et ces choses vont nous mener à la sagesse. Nous ne devrions donc pas rater cette belle occasion d'être à l'écoute de ce que le corps peut nous apprendre. So, we should take this great opportunity of learning from this body in this retreat.